dans le prestigieux quartier de Ouagadougou à Ouagadougou, Burkina Faso, au pied de l'hôtel 3 étoiles Sofitel Libya. Les travailleurs du secteur informel tentent de capter les miettes de la richesse des touristes blancs et de la bourgeoisie montante. Mais il y a plus prometteur que de vendre des cartes téléphoniques sur le bord de la route. En Europe, pour accueillir quelqu'un, s'il vient, s'il est malade, c'est toi qui vas le soigner. S'il n'est pas de boulot, c'est ton problème. S'il a un problème, c'est ton problème. S'il a un problème de vol, s'il a un problème de quelque chose, n'importe quel problème, c'est ton problème. Parce que c'est toi le sous-couvert. Ça, moi-même, je voyais que c'est vrai. C'est pas facile aussi. Si tu as déjà un père de famille, tu vas dépenser, tu veux dépenser tes familles. Et puis tu as un ami africain qui est là aussi. Bon, s'il a un problème, c'est toi qui vas gérer ça aussi. C'est pas facile. Ça, moi-même, je vois. Mais comme nous, on est ici, on souffre, on ne gagne même pas. C'est ça même le problème là. Ici, là, moi, je suis venu ici, 6h58, que j'ai arrivé ici. Depuis là, ce que moi, j'ai gagné là-même, ça ne vaut même pas 500. Ce que moi, j'ai gagné là, ça ne vaut même pas 500. Mais moi, je suis un jeune musulman, je suis un élève coranique, 100% même. Donc, ce que moi je vois dans le Coran là, moi je ne veux pas faire mal dans ma vie là. Moi je ne veux même pas faire mal à n'importe quel côté. Je ne veux pas faire mal de quelqu'un. Je ne veux pas faire, même si je vis l'argent de quelqu'un comme ça, moi je veux même, si il n'est pas me donner, moi je ne veux même pas bouffer ça. Parce que pour bouffer ça même, ce n'est pas bon. Donc, ici là, moi je travaille, je ne gagne même pas. Alors que j'ai travaillé et puis j'ai fréquenté de Kola là, donc pour avoir un peu d'argent, moi mon papa il n'est plus là, ma maman il n'est plus là, j'ai une femme avec des enfants, c'est moi qui dois nourrir tous les deux. Donc c'est à cause de ça que moi je vais aller en Europe, juste un an, parce que une femme avec des enfants, je ne vais pas laisser une femme avec des enfants aller faire au moins 3 ans, 2, 4 ans, 5 ans. Non, moi je ne suis pas un homme de ces gens-là. Moi c'est juste un an. Si c'est beaucoup même 2 ans, moi je ne veux même pas dépasser 24 mois là. Moi je ne veux même pas dépasser ça. Même si c'est 3 millions que moi j'ai gagné là-bas. J'ai arrivé ici, je sais ce que je vais faire, comment, pour vivre ici jusqu'à mon jour. Moi mon problème là c'est ça. Celui qui peut m'aider de faire ça, il n'a qu'à m'aider pour l'amour de Dieu. Moi je ne sais pas quelqu'un qui va aller en Europe, aller faire du mal. Moi j'ai entendu que les gens parlent qu'il y a les Africains qui arrivent en Europe et commencent à faire des drogues. Des faux business, des mauvaises choses. Moi, je ne suis pas un homme de 16 ans là. Moi, c'est un peu d'argent seulement pour venir vivre ici que je voulais. Je ne veux même pas d'autre chose. Dans ma vie là, arriver en Europe, si je gagne au moins 4 ou 5, 6 millions, vous savez, est-ce que vous savez ici pour avoir un logement, un parcelle, ça coûte combien? Ça coûte au moins 2 millions, 3 millions. Allez là. Si tu as 2 millions, 1 500 000, 3 millions, tu peux avoir un partiel. Mais si tu n'es pas de ça, tu ne peux même pas avoir de partiel. Moi, je dois dans notre loterie. Depuis 2001, ils ont donné les gens. Moi, je n'ai pas gagné. Si tu n'as pas l'argent pour faire des business, tu ne peux pas avoir ça. Mais si tu as ton propre argent, tu pars, tu payes des partiels. 2 millions, 3 millions, tu viens, tu concilies et puis tu n'as pas de problème. Tu restes, tu vis là-bas sans problème, sans histoire. Moi, c'est ça que je voulais, l'argent pour venir payer un bon partiel, concilier, vivre là-bas avec mes deux enfants. C'est fini, c'est tout. Moi, mon problème, c'est ça. Je ne vais pas aller faire de mauvaises choses en Europe. Je ne vais pas aller traiter de faux business en Europe. Arriver là-bas, même si c'est pour suivre des chevals, pour suivre des moutons même, pour avoir un peu d'argent, même si c'est pour couper des foulards, même si c'est dans les museaux, laver des habits comme ça, moi, je peux faire. C'est vrai, oh, mais c'est faux. C'est vrai. Bon, selon nous aussi, on a appris ici, paraît que l'Europe est un peu favorable par rapport à l'Afrique. Hein? Parce que j'imagine aujourd'hui, là où je suis, mon seul souhait dans ma vie, c'est aller en Europe. Parce que je me dis que quand je vais aller en Europe, ma vie sera un peu favorable par rapport au Burkina. Voilà. Parce que de nos jours au Burkina, hein, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est la galère. On ne sait pas comment faire quoi. Ça dit au Burkina ici, on ne vit pas, on survit. On fait semblant de vivre. déjà nous les jeunes, et rester au Burkina, être dans la misère, être dans la galère. Bon, j'ai un ami qui était ici avec nous. Il allait en Europe, hein, en France. Hein, et il a fait au moins 2 ans ou 3 ans. Quand il est revenu au Burkina ici, il est en train de construire des étages. C'est ouais, ça? Je vois des Africains qui réussissent en Europe. Ils viennent ici construire des villas, des étages. Ici à Ouagadougou? À Ouagadougou. Ouais, parce que les États qui sont ici, là, c'est les Africains. C'est les Africains qui sont de l'extérieur, de l'Amérique, de la France, en Europe. Tu vois, c'est eux qui ont construit tout ça. Nous qui sommes dans la galère totale, en souffrance totale, on ne sait pas comment faire. Hein? Si pour avoir l'argent, il faut voler, il faut freiner quelqu'un. Ici, pour avoir l'argent, ah, c'est mieux, mon ami, c'est ça que je disais là. Il faut mieux que je parle en Europe. Ce que tu m'as expliqué, la situation de l'Europe. Comment on va faire? On va se débrouiller un peu. Même si je vais aller mourir là-bas, c'est mieux que je vis ici. Là. En Europe, là, même si tu gagnes 1 euro par jour, c'est mieux que ici que tu gagnes comme là. Si j'ai le sens pour entrer en Europe, même si c'est juste 6 mois retourner ici, je sais ce que je vais faire pour devenir un homme. Mais le problème, nous les Africains, même, c'est qu'on plique les choses. Pour avoir notre passeport, là même, c'est problème. Deuxièmement, si tu gagnes le passeport au niveau de l'ambassade, si tu n'es pas un ami en Europe, tu ne peux pas avoir de visa. Il faut un ami en Europe et te donne le certificat de libération. Là, maintenant, tu peux aller en Europe. Si tu n'es pas ça au niveau de l'ambassade pour avoir des visas, c'est problème. Sinon, moi, j'ai tout le temps pour entrer en Europe. Dans ma ville, moi, je veux entrer en Europe. Mais je n'ai pas la chance pour rentrer. Maintenant, à chaque pays en Europe, moi j'ai des amis. À chaque pays en Europe, moi j'ai des amis, beaucoup même. Mais j'attends. Mais vous avez déjà payé pour le visa? Oui. Combien? Au l'ambassade de Munich, là-bas c'est 110 euros. 110 euros? 110 euros. Oui, 100 dollars. Mais 100 dollars, c'est 60 000 francs CFA. Bon. Pour accéder aux États-Unis? Oui. Le problème pour avoir 100 dollars ici, c'est le problème. Tu vas travailler au moins 1 an, au moins 9 mois comme ça pour avoir des 100 dollars. Tu pars, tu payes 100 dollars. Tu n'as pas de visa, tu peux plus avoir ton 100 dollars. Alors que tout ça, c'est pas bon. Oui. Ce que moi, j'ai dépensé dans le visa, c'est beaucoup. Mais c'est pas pour... Moi, mon propre même, ce sont de mes frères. Moi, j'ai essayé comme ça, quitter ici, aller au Mali, aller au Algérie, Maroc, Espagne, rentrer en Europe. Tout ça, il y a beaucoup de jeunes Africains qui font ça. Non, mais ça ne m'arrête pas. Vous voulez pas faire ça? Hmm? Vous voulez pas faire ça? Maintenant, au niveau des frontières marocaines, elles ont fermé là-bas. Donc, ce n'est plus la peine. Mais ici, là, quand vous voyez, non? Pour le moment, il y a froid, il n'y a pas de clients, donc c'est histoire. Mais en Europe, même si tu s'ouvres comme là, tu vas gagner un peu. Arriver ici, toi aussi, tu es devenu un homme. Mais le problème, il faut les gens de l'ambassade et aussi regarder que nous, les jeunes, on a des problèmes. Tu peux faire des économies comme ça, arriver à l'ambassade, bon. Souvent, on te demande des comptes bancaires. Si tu n'es pas un peu de millions. Alors que si tu avais des millions là, tu ne vas même pas essayer d'aller en Europe. Tu pars en Europe pour chercher l'argent. Ce n'est pas pour aller faire connerie. Donc, tu arrives là-bas, tu te demandes ton compte bancaire. Tu as combien de millions? Alors que si tu avais même si c'est simple, 1 million comme ça, tu sais ce que tu vas faire pour gagner ici. Mais ici aussi, pour avoir 1 million, ce n'est pas possible. Pour la libre circulation, l'égalité des droits pour tous, contre la militarisation des frontières, l'Europe forteresse. Venez au camp No Border à Bruxelles, du 25 septembre au 3 octobre 2010. Toutes les informations sur noborderbxl.eu.org.